chercherai peut-être encore lorsque sonnera l'heure de ma mort. Ai-je choisi le bon sentier? J'en suis encore à me le demander. Je voudrais ne pas regretter lorsque sonnera l'heure de ma mort. L'heure